Les deux qui suivent ne sont pas à mettre entre toutes les oreilles. Elle parle de sexe. Un sourire pour moi, quelques regards gênés. C'est étrange tout de même ce rapport au sexe. J'ai toujours imaginé que ces choses-là, quand on est grand, elles sont plus faciles à aborder, plus simples. Mais non, il y a dans le public des personnes vraiment coincées qui, depuis qu'elles savent que je vais parler de cul, sont devenues rouges écrevisses. Envoie-moi du lourd. J'ai pas besoin de tes mots doux. Fais-moi mal, plus que moi, me mettre dans ces états, me trouble, me fait trembler. De plaisir, envoie-moi du lourd. J'ai pas besoin de tes mots doux. Fais-toi mal, brusque-moi, me mettre dans ces états, te trouble, te fait trembler, te désir, tu joues de ta bouche, tes mots et tes sourires me douchent, tu joues de tes doigts, qu'ils m'effleurent malgré toi, tu me lis à toi, bien serré contre ton cœur, je me sens prisonnière. Et toi, tu restes mon cœur. Envoie-moi du lourd. Je pense que celle-ci, pour moi, c'était la plus compliquée à mettre en place. Il y a des accords à l'accompagnement qui sont légèrement jazzy. D'habitude, ce n'est pas ce genre de choses que je joue. Moi, ce serait plutôt des arpèges classiques, des petites formules répétées inlassablement, des trucs pianistiques. Ici, c'est un mélange que j'espère plus ou moins réussi, mais dans un autre style. Je l'ai composé en pensant à mon amant virtuel, à nos jeux, à ce qu'il était toujours à me proposer, à tenter avec moi. Le fait qu'il cherche à m'exciter, le fait qu'il soit toujours partant pour aller plus loin. Mais aussi en pensant à lui, mon musicien polyvalent, à toutes mes envies. Bon, me reconcentrer, il y a encore un passage où je chante un peu n'importe quoi, je m'empêtre dans les paroles. Tu me mets à genoux, mes joues sont roses de plaisir, tu me mets à bout. Quand cela va-t-il finir, tu me lis à toi. Bien serré contre ton corps, je me sens prisonnière. Mais je te dis encore. Envoie-moi du lourd. Cette pratique, chérie, que j'ai déjà tellement rêvé de lui prodiguer. Et toujours ces espèces de sanglots dans le texte. Si je pouvais les dire, ces mots, réellement les dire, il y aurait des « encore » en crescendo, et puis il s'éteindrait. L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était plutôt « mais pourquoi en virtuel c'est si facile, alors qu'en réel avec ce musicien c'est si compliqué ? Pourquoi ne se laisse-t-il pas aller ? Je ne le saurais sans doute jamais. » Combiner les embouchages et les caresses avec la brutalité et la crudité, y trouver une espèce d'équilibre, d'harmonie, c'était ce que je voulais proposer dans ce texte. Et là, c'est pratiquement terminé. Les mots sont plus abrupts, les images plus crues. Envoie-moi du lourd. J'ai tant besoin de tes mots fous. Toi mon mal, mon animal, brusque-moi, offusque-moi, je te ferai ramper de désir. Je serai trempé de désir. Une cadence plagale typique, on tourne autour des accords, pour bien affirmer la tonalité du morceau, accord de septième et de neuvième de dominante, je me sens bien. Cette fin, elle est jolie, tranquille, sereine. Je souris et je pense que oui, j'ai envie d'un peu de violence contenue. J'ai envie de mots fous. On ne le dirait sans doute pas parce que dans la vraie vie, je refoule mes envies chaudes. Dans le fond, j'aime les échauffements, le public a dû s'en rendre compte et ce n'est pas fini. Il a les cheveux collés aux tempes. Il a les joues roses, rouges presque. Il sourit, le visage complètement épanoui. Eh ben, tu sais que franchement, tu m'épates. J'avais pas imaginé que ce serait comme ça avec toi au pieu. Je ne dis rien. Je le regarde. Oui, je connais son âge, mais malgré cela, le fait qu'il paraisse aussi étonné, ça me surprend. Il ne m'imaginait tout de même pas une oie blanche. Peut-être pensait-il qu'une femme mariée, ça réagit autrement qu'une de ces mijaurées qu'il a habituellement dans son lit. Sauf que, dans ce cas, la femme mariée, même s'il n'a jamais été infidèle, elle sait ce qui plaît aux hommes, comment ils réagissent, et elle calque ses pratiques là-dessus. Surtout avec lui. Je ne veux pas le décevoir. Je me redis, il faut qu'il garde un souvenir magnifique de cette nuit. Comme ça, si c'est la seule fois où... Eh bien, quand il pensera à moi, il se rappellera combien c'était bon, nous deux. Et là, c'est bien ce qui se passe, non? On est toujours aussi chaud l'un que l'autre, aussi excité, aussi débordant de fougue. Je ne suis pas timide. Celui des deux qui l'est le plus, c'est lui. Et j'aime ça. Mais d'un autre côté, cela me fait un peu peur aussi. Et s'il se sentait moins habile que moi? Et si il se décevait? Mais halte au palabre aux questions, la nuit n'est pas finie. Tiens, au fait, tu connais Dionysos? Ma question l'interpelle, il a l'air de se dire... Qu'est-ce qu'elle a en tête? Ouais, bof. En fait, c'était simplement parce que je voulais l'engager, nous engager, sur le Cunnilingus, et que Malzieu, le chanteur et leader du groupe, a écrit les paroles d'une chanson qui parle de son hamster, qui porte le nom de cette pratique. Bon, ben, on va s'y prendre autrement. Tu te souviens des petits papiers que Dom avait mis dans... Ah ouais, Cunni. Quand j'ai ouvert le tiroir, il y en avait plein. Et quoi, c'est ça que tu veux à présent? J'ai pas fait gaffe, mais t'es épilé. Juste comme il faut pour que tu ne t'en prennes pas plein la bouche. On se regarde en souriant. J'ai déjà essayé l'épilation totale, mais non, je n'aime pas ça. J'ai l'impression d'avoir le pubis d'une petite fille de 8 ans. Donc maintenant, c'est juste les lèvres, le creux des aines, lisse, glabre. Et un triangle de poils au bas du ventre. J'ai toujours mon string. Il ne me demande rien, mais plonge sous la couette. D'un geste leste et précis, il me retire le sous-vêtement. Il me fait écarter les cuisses et... Sa langue est douce, agile. Je n'ai pas envie qu'il aille trop vite et c'est comme j'en ai rêvé. De haut en bas, de ma fente. D'abord sans écarter les lèvres. Juste des petits baisers, des petites respirations, à l'endroit précis où c'est sensible, si sensible. Je sens son souffle chaud et frais à la fois, et c'est très agréable. Puis, du bout des doigts, il écarte mes lèvres. Délicatement, il en caresse la face interne, toujours du bout des doigts. J'ai envie qu'il s'occupe de mon clitoris, mais je n'ose pas le lui demander. J'imagine qu'il va le faire durcir encore un peu, qu'il va faire passer la partie charnue de ses phalanges-là, et rien qu'à y penser, je me sens bouillir. Occupe-toi de mon sexe, comme tu le fais avec ton instrument. Dessine des arabesques, des volutes. Sois délicieux, mon audacieux. Et c'est ce qui se passe. Mon bouton durci, ma main droite passe entre mes jambes par derrière. Mon périnée est gonflé, très gonflé. Et je suis trempée. Je ne sais pas s'il aime les femmes qui mouillent autant, j'avais peur que ça n'arrive pas. J'étais si anxieuse d'être très sèche et qu'il soit obligé d'employer du gel lubrifiant ou sa salive, mais non, c'est tout à fait honorable. De temps en temps, il émerge de dessous la couette, la bouche barbouillée de moi. Tiens bon coup. Je me souviens qu'avant, quand il était juste, mon savoureux, je pensais à cette histoire de « il a bon goût » dans les deux sens du terme. D'abord, il m'a choisi. Ensuite, il goûte bon. Et moi, je goûte bon ? Oui, visiblement. D'ailleurs, il continue de s'activer. Sa langue un peu dure insiste à l'endroit adorable où elle a commencé ses incursions. Qu'il continue. Je me liquéfie. Je ne suis pas trop mouillée. Ça ne me dérange pas. Tu es certain ? J'aime ton goût de plaisir. C'est pas trop fort et puis mélangé au reste, c'est assez agréable en fait. Tu permets que je continue ? Je commence de gémir. De temps en temps, il s'arrête, il me regarde, apprécie la dureté de son membre. Visiblement, le fait de me sucer lui fait autant d'effet que celui que j'éprouve quand moi, je l'embouche. Balai de doigts, de langue, écartement, friction délicate et puis doigts introduits à la fois dans mon con et dans mon cul. Il les agite, il pince, il continue de lécher et de mordiller, mais ses doigts en moi sont divins. C'est du grand art. Il a commencé par m'embrasser les lèvres supérieures, me mordillant la langue. C'était délicieux. Et à présent, il s'occupe du bas. Et c'est tout aussi bon. Et puis, il fait quelque chose qui me plaît vraiment. Sans que je m'y attende, il recueille un peu de sa liqueur à lui avec sa main pas occupée et me la fait déguster. Il glisse ses doigts dans ma bouche et c'est vraiment ça, de la dégustation. Ce sont sans doute les premières gouttes exprimées par son gland parce que, vu son excitation, je soupire. Combien j'apprécie l'attention. C'est juste sa saveur, un peu amère, comme je la rêve depuis des années. À force de délectation commune, moi, son sperme, et lui, ma cyprine, je suis de plus en plus excitée, et lui aussi. Nous en arrivons à halter, au même rythme. Nous ne disons plus rien, juste des inspirations très profondes et des expirations rapides, et encore... Et encore, mais pas plus de 2 ou 3 minutes. Encore. Encore. Tu sens, je viens. Mes orifices se sont serrés autour de ses doigts. Je l'entends perdre son souffle. Ma bouche est sèche, mes lèvres tout autant. Je me déshydrate, mais en ce qui concerne mon intimité, c'est tout le contraire. Attends-moi, tu veux ? Ça ne va pas être... Oh, dépêche-toi. Et là, l'explosion. Le deuxième orgasme simultané. Moi, ses doigts dans ma bouche et lui à me sucer le clitoris et à honorer simultanément mon vagin et mon petit trou. Nous nous perdons dans le plaisir. Nous nous perdons vraiment.